rire. On parlait mais y'a rien à dire. Des poules et des crocodiles, des lapins qui regardent leur nombril. C'est triste, y'a rien à dire. On apprend aux gosses à faire des problèmes. Et si on arrêtait de rire, peut-être bien qu'on pourrait se dire: j'ai froid, j'ai froid, passe-moi la couverture. De rire, peut-être même qu'on continuerait à sourire. J'ai froid et j'aime ce sourire. Et si on continuait de rire, j'aimerais regarder plus longtemps les dessins animés d'Aubusson, que ça finisse à 3h15 pour rire de la gueule du cochon. J'ai froid.